L'exposition nationale de photos consacrée au 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, sous thème « Une vie pour la patrie et le peuple » est ouverte le 9 février. Dans la salle est exposée la photo du général Kim Jong-il qui, un large sourire aux lèvres, bénit le brillant avenir de la Corée du Sud. Il y a aussi des photos montrant la vie révolutionnaire du général qui a accompli d'immortels exploits pour l'œuvre révolutionnaire du Sud et l'émancipation de l'humanité. Des photos des activités révolutionnaires du général qui a contribué à la réunification indépendante de la patrie et à l'œuvre d'émancipation du monde. Des photos du dirigeant suprême Kim Jong-un qui a toujours accompagné de bonheur le grand général Kim Jong-il conduisant la révolution de Songun et continue fidèlement l'œuvre révolutionnaire du Tse. Des photos des militaires et civils coréens déterminés à accélérer la victoire finale de l'édification d'une puissance socialiste. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang en présence de Kim Gi-nam, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, des cadres intéressés et des citadins de la capitale.